Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Nouveau rendez-vous de Hind en Brezonnik, cette fois c'est la 472 Pevaren Doze Katriugen, c'est ça Henri? C'est ça Christian. Voilà, on change aujourd'hui de condisciple. Ben c'est la rentrée, il y a les équipes un petit peu qui changent, mais rassurez-vous, là ce n'est que ponctuel, Morgan sera fidèle au poste pour toutes les autres émissions. Voilà, alors aujourd'hui, pour Guerriou Orvuy, on va parler d'un mot assez courant, Mélésour. Mélésour, donc, qui est un nom commun, masculin, donc on dira Mélésour, hein, sans mutation, Mélésour, you au pluriel, et qui se dit en breton, Kreisbreiz, Milour, hein. Nous, on coupe un petit peu. Mais ça se trouve aussi dans les chansons. Ça dépend du nombre de pieds dont on a besoin. Quand on a besoin de deux, on met Milour. Et quand on a besoin de trois, on dit Mélésour. C'est bien pratique. Oui. Mélésour est un peu plus littéraire quand même. Hein. Voilà. Alors, bon, par exemple, on va dans la chanson Meretz en Nicolas, là, de Jean Mainen. On trouve, par exemple, Kishen me muan kare d'azizet talendour, de ze garanté parfait, ni me wa mélésour. Donc, à côté de ma belle, assis au bord de l'eau, de l'amour parfait, nous étions le miroir. Ah, c'est joli, hein. Voilà. Alors, on trouve ça aussi sous la forme mélésour dans une d'Urginelle, hein. Mais les ours clairs à Gurion, de ze wir garanté. C'est le dernier couplet, quoi, la morale de l'affaire, en fait. Donc, le miroir parfait de l'amour. Hein. Donc, il veut dire que la tourterelle est le miroir le parfait du véritable amour, celui qui dure, quoi. Bien sûr. C'est écrit par Paul Tréhouré, qui était un prêtre, hein, Augustin Conque. Hein. Donc, évidemment, il fait passer ce message-là, de l'amour durable et non pas volage. Voilà. Alors, par contre, la forme Milour, par exemple, il y a une chanson qui raconte la noyade de Pierre Loz de Beaucourt dans les temps de la Salle en 1727. Il a été enterré dans l'église de Pemerite, d'ailleurs, où ils avaient droit d'enfeu. Dans plusieurs églises du coin, le Beaucourt avait le droit d'enfeu, c'est-à-dire le droit de se faire enterrer dans l'église. Et donc, dans la chanson, on dit « Or glaire war un dour, l'ufre révèle Milour ». La glace sur l'eau brillait comme un miroir. C'était une chanson que chantait mon grand-père quand il en avait l'occasion. Ça s'appelle Stangenijena. Et il y a plusieurs versions qui sont chantées sur cette noyade sur la glace. Hein. Voilà. Alors, dans les cantiques, on trouve souvent le mot Milour, hein, Mélésour. Hein. Par exemple, Mélésour Ninéou, hein, le miroir des hommes. Par exemple, dans le cantique de Saint-Ouarnaud, qui n'est autre que Saint-Hervé, Saint-Ouarnaud en Bourbriac, hein, qui est sur l'aire du Folgouette. Alors, des fois, on l'appelle l'aire de Kelvin. En fait, c'est bien l'aire du Folgouette qui a été composée en 1875 par une sœur qui s'appelait sœur Anne-Marie Lesquat, qui a composé cette aire du Folgouette, hein, qui est très répandue dans les cantiques. Hein. Fleuren afruiz breizizel, mélésour on varouz. Donc, fleurs et fruits de Basse-Bretagne. Alors, Basse-Bretagne, breizizel, c'est la Basse-Bretagne, mais en poésie, c'est la Bretagne tout court. Hein. On l'emploie très fréquemment. Mélésour on varouz, hein, donc le miroir de notre paroisse. Voilà. Alors, ce mot mélésour est un mot latin, d'origine latine, hein, qui était passé en breton à l'époque de la Bretagne insulaire. Hein, c'est pour ça qu'on le trouve aussi en gallois et en cornique. Hein, ça vient du latin miratorio, qui a donné mirador aussi. Hein, donc, c'est autre chose. Hein. Et donc, le miroir. Alors, en vieux français, c'était le miroir, d'ailleurs. Hein, le miroir de la mort, hein, mystère du Moyen-Âge. Hein. Voilà, et donc en breton, Mélésour qui veut dire le miroir et qui veut dire aussi le rétroviseur. puisque c'est un miroir qui permet de voir en arrière. Et là, on voit que c'est finalement le premier outil audiovisuel, le miroir. C'est quelque chose d'assez étonnant, puisqu'on renvoie une image, hein, une image d'une personne ou une image d'un objet. Alors, dans les contes, hein, on parle énormément des miroirs, hein. La femme qui se mire, justement, et qui demande à son miroir, suis-je toujours la plus belle? Miroir, miroir, hein. Suis-je toujours la plus belle? Voilà. Donc, on a le miroir magique aussi, hein, qui fait apparaître des choses qu'on ne devrait pas voir. C'est un peu un objet de voyance, hein. Voilà. Et puis, le miroir magique, il y a l'idée aussi de choses extraordinaires. Le miroir aux alouettes, hein, par exemple. Hein. Donc, de tromperie, en fait. Le miroir peut dire la vérité, mais il peut tromper. D'ailleurs, il y a des miroirs déformants. Voilà, c'est ça. Alors, le miroir a été découvert. Le miroir, ça a été découvert à la Renaissance par les Français en Italie. Hein. Il y avait les miroirs de Venise. Hein. Et on a fait venir beaucoup de miroirs et on a réussi à copier la fabrication. C'était la spécialité de l'île de Murano, un peu en dehors de Venise, parce que c'était assez dangereux de fabriquer des miroirs et pour éviter les grands incendies, on les avait confinés sur une île. Et donc à cette époque-là, on a fait des très grands miroirs. Hein, la galerie des glaces à Versailles, par exemple, hein, c'était des miroirs très importants, quoi. Voilà. Alors le miroir, donc le tain qui sert à faire le miroir, c'est sten mêlésour en breton, hein, ce qui est un revêtement métallique, hein, soit d'étain, soit d'argent, et qui est isolé de l'air par un vernis. Au début, on ne savait pas trop faire ça, et les miroirs avaient tendance à noircir. Voilà. Donc hermélour et hermélésour, hein. Voilà, ça fait rêver un peu. Hein. Deuxième partie, brisons tant ma tombe. On va laisser un petit peu Saint-Olec de côté. Ouais. Et on va travailler les rimes, c'est ça? Oui, alors on avait commencé à parler des rimes la dernière fois. Et puis je vais donner quelques exemples dans les émissions à venir sur des rimes. Hein. On ne va pas faire un dictionnaire de rimes. Hein. Ce sera intéressant de faire un dictionnaire de rimes en breton. Alors bon, en « ou », il y aurait « en ou », hein, final. Il y aurait beaucoup de rimes possibles, puisque une grande partie des pluriels sont en nous. Donc c'est assez facile de trouver des rimes qui se terminent en nous. Et on fait rimer des pluriels en nous, souvent avec des mots qui se terminent en nous, qui ne sont pas forcément des pluriels, comme autrou, par exemple. Hein. Donc qui sont. La prononciation de ce ou-là est un peu variable. Hein. Ici, ça a tendance à faire ou, hein. Notre ou. Hein. Même carrément autre ou, hein, dans certains endroits, quoi. Voilà. Alors, mais ça rime toujours avec le pluriel en ou. Donc, par exemple, dans le cantique à Saint-Antoine de Padoue, qui a été fait par le recteur de Pommery, Onésime Le Bouédec, en 1899, donc il faut trouver une rime qui aille avec Padoue. Osant d'Antoine Padoue. Alors, le plus simple, c'est de trouver une rime avec un pluriel. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il a fait rimer avec Miraclou. Hein. Voilà, il aurait pu mettre Burzudou aussi. Hein. Voilà. Aux Andantone, Badou, Rasmusterhulen, Zandoberur, Miraclou, Shiloen, Meveden. Et là, au passage, il fait rimer Hulen avec Veden. Hein. Veden, oui. Voilà, donc on trouve énormément de rimes hein, de ce type-là. Par exemple, dans la chanson « Un Durzunel hein, », écrite par Paul Tréhouré, Augustin Conque, donc qui est décédé en 1952, donc qui fait arriver « Quadou » avec « Brancou ».« Calzamzer me scolet au fur chaleur roidou, vidzoupen un durzunel, couskeloire Brancou ». Là, c'est deux pluriels qui riment, hein. Donc là, pratiquement, et un peu plus loin, il fait rimer Quadou avec la boussegou. C'est un pluriel de pluriel. Ouais, la bousse de la boussegou, oui. Voilà. Donc une multitude de petits oiseaux, quoi. Voilà. Dans la chanson Heurbutune, par exemple, aussi, un autre exemple, Oshilo Vedenu, Amamezo Lemu, Douirak Kalzegas, Vidguel de notre ou. Hein, voilà, autrou qui rime avec un pluriel. Hein. Autrou, donc, qui va rimer avec clemou, hein, les plaintes. Hein. Voilà. Alors, il y a une version un peu différente de ou, c'est le. Quand c'est diphtongué, aou, hein, par exemple, dou, hein, ou trou. Dans Urvatesvian, par exemple, hein, Mimestostevilir, ayan igenes dou. Pas de neve amzer, vaudis clairieux d'un trou. Donc, dou, qui va rimer avec trou. Hein. Ça, c'est une chanson de Philomena Cadoret, hein, qui est bien connue, quoi. Hein. Alors, dans le même genre aussi, par exemple, dans la chanson Zoubeneles, Zone ta zone rien, zone ta do wado, manzou bonne laisse, au ton de loire entre jo. Donc les sonneurs qui sonnent deux à deux. Et là, on fait rimer avec trejo, qui est le seuil, enfin, c'est toujours au pluriel, hein, trejo, hein. Voilà. Et après, d'ailleurs, dans la chanson, c'est triatri, hein. Voilà. Alors, Un autre exemple avec trou et dou. D'ailleurs, on verra qu'il y a une petite particularité. C'est la chanson Peau de Galagplat. Donc, peso de yezur brésis, les vides mazei malen trou, vanti manors et velo deski dervado dou. Alors là, donc, pour que les choses aillent bien, les vides mazei malen trou, vanti manors et velo, il faut en nous élevant, apprendre les deux langues, hein, aux esquinervas d'Odo. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il dit Douyez, hein, alors que aujourd'hui, on dit Douyez. Hein. Mais le mot Yez était mal. Était peu connu, hein, on disait au langage. Hein, ouais. Donc. Il n'y a pas faute de grammaire, il y a évolution civilisationnelle. Mais il y a des mots comme ça, hein, qui sont. Parfois au féminin, parfois au masculin. Selon les dictionnaires, par exemple, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des mots différents, quoi. Donc là, pour rimer avec dou, il faut mettre absolument au masculin, quoi. Donc si on fait rimer avec diouillez, ça marche pas. Bon. Eh ben, pour finir, sur une chanson sur Trémargat, Miso Gannet à Margat, Zaver. Non, ça, c'est un air du Trégor. Zavet borde roajou, bereka van en amzer au tremen medeou. Là, c'est encore deux pluriels. Voilà, donc, pour les rimes en ou, hein, il y a de quoi faire. Hein. Et peut-être une petite dernière, oui. Donc, d'une chanson de Job Kadik, hein, qui était Hervé Naval. Hein. Abé, don't pelle de ze dier, balé, un meus broyou, ne meus que cave gwell, or viden dou, ravalou. Là, on a broyou qui rit avec avalou, hein. Ouais, ça m'a fait penser à ça, parce que c'est un tube du centre-Bretagne, comme dit Dominique Jouve. Il dit le tube du centre-Bretagne, quoi. C'est une très belle chanson qui a été composée par Job Kadik, qui était un facteur qui exerçait à Glomel et qui était originaire de Pôle, d'après Dominique Jouve. Voilà, et ben on va finir sur Mamme Navalo. Troisième partie de Hent à Brizonek, Petezone Veavro, Eri. Ben, calze draw et vel juste, boer vej di ouzan. Krogom de dientan vel kiz a custum gant de la bourdouar hag ur vu e war ar mez. Pelzo war am war nak ma d'un tro war mar a de mor. Met d'ur mar eman an tro war val a roaz. A di ez war e kompren un afer. Ma vezel ed war dre on tam, ur operativo, ur bekrouet, ur l'air brezel, degla à Trugenzo, et vide non zikour très labourer yon douar. L'arcade m zikour très labourer yon douar. Hag nahan oa bet zavet staliou vel bavro am ur pelemoaz, hein, ben San Nicolas, petam an un trieu tos de vengan, hag boe ur operativou neus der a kreski der mat, hag spere d'un m zikour zo bekol d'on tom, a kol man mam pevelar de virionne. Hud un de labourer yon douar, zo izili de ze hop, a zo sens de vous mez war a hop, n'en ke kalz dra de la arret. Hag lan, hag aliz mamez ve hop en up te. Hag zeve gweled ur mar eman, pu dur bon hopper zo hopperative avec comprenement, pe sa mot de mon compte, pu dur benefin, man en up de rezo izili ba hop. Hag, n'eo ket bra komprenn piv zo mest benefin, ban afer. Bon, gwele vo ma vo sklera d'en trao, met ma trezen vefe bet, ma da c'hatka vo d'spera de ren eus krou de operativ. An drael c'hoaz, zezo an drael dre vraz, bro vraz peve an gud an benneket, ve tamal ad der mod bro yoel. L'art vei, c'est des faux de Europa, puis tant moins de faux de Nalamande, puis faux de Spagnol, puis de Polonais, puis Miami. Il y a un peu des orsos, on a. Dermal les faux de Antumnec, Tudel, de Broyoel. Agadis ne veut que c'est le pis de VFB Retor, et vite Gwela d'Entrou. Agadis ma treizaine de God, disclou mon d'Entrou. Ma trezen ve febe mad zela don tamp, tre dom pet nak mad ba provranz, rog mont l'art et drefo de reel ma un trog der mad, war valat. Bon, war dachen labour dou ar oas, bon, ne vesso zo bet salons ter altitude, ter altitude, a zo bet kalz dut, hag prestig vo komzet de ze spaz ba roazon, et vel bet plab a mis gwen golo. Avoir un que bapé sa stum spirit von blombe ka un trou avoir valet, mais de gafketin vo tiem de blijad yor velve quasi bopet, amas un vot amoureuse, mambes gwel vo. Bon, comme se ve alise de ze labour dou ar bio, et vel un discoulm vid labourer a yon dou ar target gant ar mot de produit vraiment, de la radé de produit kalz d'anve, a gouni neuberderan. A grande labour douar bio, ve produit un neptor d'anve, me gune un muor e an. Se tu mas un vid kalz dut, ve febet un disculm. Pe un disculm vel vel ardan me ba kreiz breiz. Breiz zo perdre gant deus un douar a zo labour de un ormod bio, pe so neub tre benefin. Tos de dau vil ferm zo, med bon, ze chom a roaz zo eim de grez ki war an afarze. War dachen labour douar bio, zo un emgle vi bebe, de la rade initiative yo Bretagne, zo bekrou dugen vlasso, Evit Kazwarog en Tro, ou à National Arbor du Arbio, à Gawar l'Aérien Internet, ve de ce IBB, ve Renable, toute pièce vegrette, Braise, Gand Produin, à Gwerzan, Bouet Bio. Bon. Bouet à Trawel, un peu dur, zo Trawel, à zo bio, di à bio, beb sort Trou. Bon. Warda Chender Politikeres, ne la rin que calzedra, vegement, prestig, ba mis siarzu, vo vote vide, rendvroy, ou, ba bon deve. Puis mon nez, l'RL, puis dire Braise n'est que m'échange d'un trou, et chôme de Braise Vélois, grande père département, à Gorvéchoise, retourne de Zobétrubarde, hein, et Velkis à Custum, hein, grande Jacobine, Jacobine Gwen à Jacobine Rue, au labour à Dorn à Dorn, Velkis à Custum. Bon, sais-tu vos grès d'or vota dégout, vie de père département. Mais bon, vec comme ze calse de Sim, de Barmar et Montroise, puis gros go un trou de Virvin Milarda. Bon, dans mon temps, Wardash en Zévenadion. Des vaisseaux, wa Gwellen dans Splin, ben Danout, ba Boulevriac, hag viden dou Hugen de Gwish, wa, un dou Hugen Lasso, a Bécrou de Festival, pas de, au Vigéclar Festival de Jantan, hein, alors Gwell Plin, hein, hag bon Derrara, à Calze Dutz, au Bête, Blanc, Meroise, Calze Zonerien, Calze Ganerien, Zonerien ou Dreistol, Zonerien Trojan Gaul, ma treizeen Benefin, Teyen Danou de, ou de, Gwell en Trojan Gaul, hein, qu'a, Cleve Sobe Calze en Trojan Gaul, bon, Mazes Oman, hein, Pudur en Trojan Gaul ou Binveger, Vro, Benefin, hein. Bon, à Vider Han, Han Bose, et Edder Maud, Manor Plariowan, Ne loin Morvan, quand ne zorgano ou en bizav de gan Jean-Yves Leroux, ward dachen dazon or brezon de gawa hanved de pédiaïroise, hag bon de kaven meuse ou a poratri, pesnes kan d'agur vuesnes hag stum de gano, hag grande place et de maud was evid han a discant. A gansé, or plat, a zo, neus, amzor de zon, madame jonge, mesque gant aérienne. D'un des hanteres, de wallan, chape, les vides de Noverne Brezonek, hag, un du de gant et ker, à huel, hag, bon, zez au bras de velet, qu'avec cleve case de Brezonek, j'y wastin, bah, il y joue bro. Ag de nonz na hein, oa kalz e dud vid ur oan roaz, an velkiz a custum oa tut te stol a plijad ur gante. A setu tramet gwell plin, hag bon, jonge al oa kontan Michel Diridolouk a bon, blammez o bedo ur gwell vra ur roaz. Hag vraiment, skipa yon Michel, hag skipa yon danou de zo labourad war gwell benebla deja. Hag... Ham de chom vraiment en temps war dash en ur zévenadion. Hugen Vlasso, d'un trizege de vizest, milo han pemzek a trugen, milo han pemzek a trugen, oa ed en an an per Jacques Elias. Per Jacques Elias, oa begand ba pouldreuzig bla perzek, pen kan Vlasso brom, hag bon, han av de bet dreistol, evid levernes beskrivet mar lor, zo le cheval d'orgueil, hein, une galag, ya, hag zo bed imban d'Hugen Lasso, vraiment, hag bon dreistol e ganze oa berhanden, bed kalze drawel neus begret, hein, per Jacques Elias. Re neus bed chilo oa de Radio Kimerge, ne jonge de re Jacques Krohan, hein, bon bibzul, hein, vige chilo oa ze vel en averne, ben dro, hein, reni oa poste au bin, hein, de Hulse, avec Chilo, et d'un, bon, Jacques Elias, grand-père Trépos, au hor, Jacques Krohan, à Guyouvian, ag, bon, Calzedra, ou neus begret, père Jacques Elias, Péjou Hoari, Barzonneg, ou, Penadou, Bagazeten, ou, bon, labour neus calz, hein, évidemment, Brezonneg. Or film, ou à begret, Yves, ou à l'air, Pembla, ou à l'air, Marlor ou Abégrad or film Grand Claude Chabrol bon film ne wa que de ni wak gal de la kad spira de mar lor ba matri ba ba film quoi a film so en quoi d'un temps ma 13 ans rad gal de fish pelek me stra wa trop guerre bas bonne c'est tu bonne brude de trait Pierre Jacques Elias à ces causes de non le Jacques Krochen ni voilà que de non le Jacques plutôt à Pierre Elias il rend ya à voilà que de Pierre Jacques Elias bonne quand je trouve fait bien roi de l'âme mais on veut je connais que roi ma sainte vos comme de Pierre Jacques Elias il y a un petit l'air roi grande ba Pouldreuzic zo béro et barous zo grette barzo or sort mirdi avec veidigor et bemdi de rein de swan don de vel de ti Jacques Elias a un temps petit avec vel zo calz war armés hein bon n'est que de romande hein non non mais bon spirit zo ba ban team me sera quoi bon comme je vais déjà de salons de lever bacarès vos grette ba miséri à Blanme et Martial Ménard, vos présidents salon de lever Bacarès. Un DL de Zul No Visest, ou à Bajange, les plus jeunes, des Livourien. Bon, Zévegret, Vége de Namzer, Parouge aux eaux, à Zézo Bras, à Zézo de dans Tolène ou Live, à ce que c'est, ou à Gred, on tombe marre à devoir. Produit hors vro, à son aérien virait bu et de nafar, à zézo bras. Bah, carnoët de zobé de lac de zen de zen men ne vaisseau, zo huer neve, bénéfice au 16 à Hantorcan. Ya, zand éode, zand ivi, zand estrifil, zand goniri. Zand Guston à Zand Brandon. Gazir à Seis à Hantorkant, vraiment quoi. Végenom, zor me bé comme tetar de Simon Ormoigne, ag zo de Stregorn, ag bé de Gred Tolén ou bon, comme je meus de C Tolén ou à Barzon Egou, ag bon y bugol et neus ro de Neveso, or pez dolen hir, arrêt. De Parouz Gronvel, à Zola que Bazal un ticket. À que vos moyens d'ont te velnay, Ganneré Blichetet, Livoureus. Un DL ou à Vidlard en temps de Spesso Betram de Bavro, ou à B de Mille Pemkan Edu, de Chilo Pierre Rabi, Bazandant en la rune. À que bon, Vidzé ou à Vid Nemgaviou, lieu mouvant. Ag bon rich de wakal de dud avec le chance wak rival un homme genre plusieurs un dud wa bapors chilo pierre rabi bon eriomtos vraiment de une distro school bon wardash en quelle est la dure en prison de knak kalz un trois warok bon au ne peut de bugal et haloras disent qu'ils prison de blanc mais doit leur rendre que gol vous n'is un trois warok comme je vais de Scarta, Ries ou Guasked, mais n'a qu'un trou à rog. Ma treize benébla, hein, voilà, donc. Spimus, bopet, hein, trou à rog. Bon, c'est un tombe de spissonné, bavro, à que change la randard toute, chilo, rien, RKB. À la tienne norvégienne.